Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Je sais que tu es mon abri. Adonai, je t'adorerai, mon ami. Qu'importe les temps et le jour, je sais que tu es mon ami. Te loue, nos âmes t'exaltent, mon cœur t'adore, l'incomparable. Mon cœur s'incline au-devant de toi, je me prosterne devant ta sainte présence. Je dirai à mon âme, compte sur celui qui tient toutes choses entre ses mains. Adonai, Adonai, le Seigneur de Seigneurs, celui qui a la gestion des temps et des circonstances, celui qui contrôle les événements, celui qui ne recule au-devant de rien. Adonai, oui, Adonai. C'est lui mon seul Seigneur, c'est lui pour qui je vis. Il compte pour moi, il est tout pour ma vie. Le rocher des âges, c'est lui que j'ai de plus cher et de plus précieux. Alléluia, alléluia. Adonai, Adonai. Oh oui mon âme, compte sur Adonai, le maître des temps et des circonstances. Seigneur de toutes choses, oui, puisqu'il est Seigneur, la vie ne sera plus jamais pareille. Oui, puisqu'il est règne avec lui. Puisqu'il domine, je domine avec lui. Jamais plus les circonstances du temps présent n'auront contrôle sur moi. Car celui que je sers tient toutes choses entre ses mains. Et je gouverne avec lui, je dirige avec lui. Oui, sur les principautés, les autorités et les dominations, la seigneurie d'Adonai sera manifeste à tout jamais. Adonai, Adonai.